50 languages. 86. 86. 86. أسئلة صيغة الماضي رقم 2. Question passé 2. Question passé 2. أية ربطة عنق ارتديت؟ Quelle cravate as-tu porté? Quelle cravate as-tu porté? أية سيارة اشتريت؟ Quelle voiture as-tu acheté? Quelle voiture as-tu acheté? ما الصحيفة التي اشتركت بها؟ À quel journal t'es-tu abonné? À quel journal t'es-tu abonné? من رأيت؟ Qui avez-vous vu? Qui avez-vous vu? من غابلت؟ Qui avez-vous rencontré? Qui avez-vous rencontré? على من تعرفت؟ Qui avez-vous reconnu? Qui avez-vous reconnu? متى استيقظت؟ Quand vous êtes-vous levé? Quand vous êtes-vous levé? متى بدأت؟ Quand avez-vous commencé? Quand avez-vous commencé? متى توقفت؟ Quand avez-vous arrêté? Quand avez-vous arrêté? لما استيقظت؟ Pourquoi vous êtes-vous réveillé? Pourquoi vous êtes-vous réveillé? لما أصبحت مدرساً؟ Pourquoi êtes-vous devenu instituteur? Pourquoi êtes-vous devenu instituteur? لماذا استقليت سيارة أجرة؟ Pourquoi avez-vous pris un taxi? Pourquoi avez-vous pris un taxi? من أين أتيت؟ من أين قدمت؟ D'où êtes-vous venu? D'où êtes-vous venu? إلى أين تذهب؟ Où êtes-vous allé? Où êtes-vous allé? أين كنت؟ Où avez-vous été? Où avez-vous été? من ساعدت؟ Qui as-tu aidé? Qui as-tu aidé? لمن كتبت؟ À qui as-tu écrit? À qui as-tu écrit? من أجبت؟ À qui as-tu répondu? À qui as-tu répondu?